FM 苏菲，万万点点问，色彩满杯，五个色点问，万万苏菲，万万点点问，色彩满杯。 Espace l'amour, où t'es habité. Où qui avant ou aller, où déchirer comme moi, si calme pas, si calme, c'est pas ça, moi, t'es levé. Méchanceté, ou fait me crier chaque jour, souffrance moins pas j'en finis. J'ai ou fait méchanceté, ou fait me crier chaque jour, souffrance moins pas j'en finis, finis. Ou en porte malais, et puis ou like, sans pas imaginer. Que son trahit ma beauté, je laisse moi gaspiller, même pas regretter. Tout n'est pas fini, depuis que la vie. We'll be right back.